Audiomatique. la formation italienne Curlian Camera nous offrait sa version bien personnelle, assez ambiante et plutôt triste de la pièce Vienna, originalement composée par Ultravox en 1980. Cette reprise par Curlian Camera se retrouve sur l'album Todesengel, The Fall of Life, paru en 1991. Les électronistes vous accueillent pour cette transmission 163 d'Audiomatic avec toujours le même plaisir, c'est-à-dire celui de laisser toute la place à la musique. Sure. With some stem and some leaf, you set the time when you pick me. With some stem and some leaf, you set the time when you pick me. Surrounded by petals, I quietly rest and grow. Between colors and scents, await the touch of your hand. Touch me. Want me and pick me. Crave and touch me. Gently guide me. Want me and pick me. With stem and leaf, you set my time when you pick me. With stem and leaf, you set my time when you pick me. In shades of pastel light, I begin to lose my sight. In fading colors, in lost scents, await the touch of your hand. Set my time when you picked me.

Le groupe britannique New Order, qui existe toujours malgré les tensions juridiques qui existent entre la formation et l'ancien bassiste Peter Hook, nous présentait pour clore cette séquence la chanson Subculture, tirée de leur troisième album Low Life, paru en 1985. Rappelons que New Order est né des cendres de Joy Division après la mort du chanteur Ian Curtis en 1980. Tout juste avant, il s'agissait de la chanteuse brésilienne Dylan et un extrait de son dernier album Kind, c'est-à-dire la chanson Stem and Leaf. Et pour débuter, le bon vieux J.J. Johansson, ce chanteur crooner suédois, nous interprétait la chanson Paranoid Alternate Version. La version originale se retrouve sur son album Bury the Hatchet, paru cette année. C'est maintenant l'artiste britannique James Murray qui nous transporte vers un environnement sonore brumeux. Thank you. L'artiste argentin Andrés Odone nous proposait sa composition Pasayes de Kerala. En guise de conclusion à cette séquence de deux pièces, vous pouvez la retrouver, cette pièce, sur son tout nouvel album intitulé Aura. Et avant Andrés Odone, c'était James Murray qui nous offrait Ghost Walking, une pièce qui paraît sur son album Highs of the Height, paru en 2016. C'est avec une collaboration qu'Audiomatique se poursuit, celle entre Digital 21, Stéphane Holsdahl et Julianne Dessagne. We'll be right back. Audiomatique, nous entendions l'artiste basé à Montréal, Petra Glint, qui est le pseudonyme d'Alexandra Mackenzie. Elle nous offrait la chanson Radical, parue sur son premier album, This Trip, lancé le 27 octobre dernier. Et c'est le 17 novembre dernier que Charlotte Gainsbourg nous présentait son plus récent album intitulé Rest, duquel nous vous présentions la pièce Lying With You. Et pour amorcer ce segment, l'artiste espagnol Miguel López Mora, aussi connu en tant que Digital 21, s'est joint à Stefan Olsdal, également membre de Placebo, pour créer Digital 21 and Stefan Olsdal. Accompagné de la chanteuse française Julienne Dessagne, qui œuvre au sein de Fantastic Twins, et sa chienne, en compagnie de son mari Sacha Funke, Digital 21 et Stefan Olsdal nous présentaient la chanson « Toi et moi » de leur album « Inside ». La pièce qui mettra fin à la transmission 163 d'Audiomatique est l'œuvre du compositeur américain Tim Story, qui a pris les sonorités de deux pièces se trouvant sur l'album « Larval Lumps and Baby Bumps » de la formation « Control Bleeding ». Pour ensuite les recomposer en une seule pièce. C'est donc à partir des pièces Eyes of the Needle et As Evening Fades que Tim Story nous livre sa composition Needle Evening, qui se trouve sur l'album Carving Songs de Control Bleeding. Cet album regroupe d'ailleurs une série de versions alternatives de pièces tirées de l'album Larval Lumps and Baby Bumps. Nous sommes toujours très reconnaissants de vous savoir à l'écoute et nous vous invitons humblement à visiter nos plateformes pour en entendre davantage, soit au mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU. Vous pouvez être assuré et rassuré que nous serons de retour en ondes mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 164 d'Audiomatique. Voici donc la composition Needle Evening de Tim Story, inspirée par deux pièces de Controlled Bleeding. Bonne écoute et bonne semaine. Thank you.